60 ans, au plein d'insolence, on les reprend à l'unisson. Chantons-les, nos succès de France, sur un air d'accordéon. Arc-en-ciel, il est très exactement 14h, passé de 4 minutes et 20 secondes, pile. Michel avec vous jusqu'à 17h pour ce cocktail coloré bien réchauffant et bien chaud et bien lourd. Bon après-midi à l'écoute du 96.2. Et pour ceux et celles qui nous écoutent très mal en radio, ça arrive, si vous êtes un petit peu loin d'Orléans quand même. Je vous donne, et pour les internautes, bien sûr, je vous donne le site de la radio, www.radio-arc-en-ciel.fr. Allez, on y va, petits écrans, en même temps, comme ça c'est très bien, et maintenant, on tape dans ses mains. Et je vous laisse quelques minutes en compagnie de Franck Michael. Trop souvent je t'ai fait pleurer, je n'ai pas su t'aimer. À présent, il est trop tard, je regrette. Aujourd'hui je repense à toi et je m'en aperçois. Mon bonheur et mon amour, c'était toi. C'est avec toi que je vivais mes jours de chance, mais ils sont bien loin à présent, mes jours de chance. Oui, j'aurais dû te retenir et te comprendre, car je vivais les plus beaux jours de ma vie. Tout en parlant de l'avenir, tu venais te blottir. Insouciant, je riais sans bien savoir. Tant sépare chaque jour les liens de notre amour, mais je ne pourrai jamais t'oublier. C'est avec toi que je vivais mes jours de chance, mais ils sont bien loin à présent, mes jours de chance. Oui, j'aurais dû et te comprendre, car je vivais les plus beaux jours de ma vie. ma joie de vivre. C'est quand tu viens, c'est quand on s'aime. Ma joie de vivre, c'est quand tu reviens dans mes rêves. Ma joie de vivre, c'est peut-être un jour vivre à deux. Bien changé ma vie, j'attends depuis des jours, j'attends depuis toujours, mais ce soir je n'ai qu'une seule envie, peux-tu rester enfin, m'aimer jusqu'à demain, ma joie. Ma joie de vivre, c'est l'amour au fond de tes yeux. Ma joie de vivre, c'est quand tu reviens. C'est peut-être un jour vivre à deux. C'est peut-être un jour vivre à deux. Ce rêve d'amour dont tu parlais. À présent tu n'es plus là, je traîne au jour le jour ma liberté. Si tu avais voulu me retenir, jamais je n'aurais eu l'idée de fuir. Parle de toi pour regretter. Je me souviens de ce temps, nous étions deux enfants sans y penser. Si tu avais voulu me retenir, jamais je n'aurais eu l'idée de fuir.

légère comme un papillon. Comme son vin, son œil pétillant, nous l'appelons la Magdelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Magdelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Magdelon vient nous servir à boire, sous la quenelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Magdelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton. Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Magdelon, Magdelon, Magdelon. Nous avons tous au pays une payse qui nous attend et que l'on épousera. Mais elle est loin, bien loin pour qu'on le lui dise, ce qu'on fera quand la glace rentrera. En comptant les jours on soupire, et quand le temps nous semble long, tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Magdelon. On l'embrasse dans les coins, elle dit veux-tu finir. On se figure que c'est l'eau, ça nous fait bien plaisir. Quand Magdelon vient nous servir à boire, sous la quenelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. À la Magdelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton. Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Magdelon, Magdelon, Magdelon. Un caporal en képi de fantaisie s'en fut trouver Magdelon un beau matin. Et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. Alors Magdelon, pas bête en somme, lui répondit en souriant. Pourquoi ne prendrais-je qu'un seul homme quand j'aime tout un régiment? Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main. J'en ai trop grand besoin pour leur servir du vin. Quand Magdelon vient nous servir à boire, sous la quenelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Magdelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton. Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Magdelon, Magdelon, Magdelon. On va laisser Magdelon, on va continuer en musique, bien sûr, et en chanson. Et cette fois-ci, on va écouter Christian Borrell dans les jardins de l'Alhambra. Les soirs joyeux où l'on est deux, les soirs d'amour où l'on jure d'aimer toujours, toujours. Au ciel brûlant d'Andalousie, le soleil lui, la ville paraît endormie, plus aucun bruit. Où sont donc les belles que l'amour appelle? Et dans tout Grenade, pas de sérénade. Le jour s'enfuit, voici la nuit, on chante, on rit. Les señoras, señoritas, tout vous sourit. Et leurs yeux qui brillent derrière la mantille donne rendez-vous à

C'est le poète de Nidance, mais je pense que c'est son épouse. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça suit comme un meudon. Eh bien voilà, ils sont tous les deux réunis sur le même morceau. Quand on a du bourbon, c'est peut-être pas la vraie de vrai, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on est fin bourré, qu'on se tire débordé sur la 42e, on rigole et on danse comme à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la 50e. La Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, y a des chiens dans les bars. Quand arrivent les nanas, quand on est tout complet, on décerne les Oscars. C'est peut-être pas les vrais de vrais, les nanas de Broadway. Oui, mais c'est ça qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, on dort sur les trottoirs. Quand on nous sort de là, c'est à coup de balai, à grands coups d'arrosoir. Et on ne sait plus à midi si on est à Clichy ou en Californie. Java quand même. Quand on est 10 ou 12, quand les vers s'entrechoquent, on oublie les problèmes. C'est peut-être pas la vraie de vrai, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. On va écouter maintenant le dernier morceau, Michel Polnareff. Écoutez cette imitation, la poupée qui fait non. Non. donnerai ma vie. Toutes ces chansons de Denny Danz ont été enregistrées, voilà. Ont été enregistrées lors de l'émission La Chance aux Chansons de Pascal Sevran. Et maintenant, ce sera Monsieur Tino Rossi, Bésame Mucho. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. C'est bien qu'un beau jour revient, mais j'hésite, ce jour est si loin. N'y croyons pas, disons-nous, toi et moi, qu'on se voit pour la dernière fois. Donne-moi, donne-moi vite tant de baisers, mon amour, que je puisse oublier. Fuite. Et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer. Que c'est le désir éternel qui s'envole vers toi que j'appelle, les yeux ouverts dans la nuit malgré l'heure qui fuit, quand tout bas je redis, bésame, bésame mucho. Si je reviens mon amour, le bonheur va chanter. Et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer.

signale à l'instant que le son est revenu à partir de l'émetteur, bien sûr, de Radio Arc-en-Ciel. Eh bien, tant mieux, vous allez pouvoir profiter des chansons. Hein. Et on a écouté tout à l'heure Monsieur Jean Cambon. J'ai pleuré sur tes pas. Et la romance de Paris, c'est. Ben, c'est la romance de Paris, ça c'est sûr et certain. Alors figurez-vous, je vois à peine clair. La romance de Paris. Qui est-ce qui chante ça? Eh bien c'est Claudie. Au coin des rues, elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux. Un peu de rêve et de ciel bleu. Nous refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. La banlieue était leur vrai domaine. Ils partaient à la fin de la semaine dans les bois pour cueillir le muguet ou sur un bateau pour naviguer. Aussi dans les guinguettes, le vin blanc qui fait tourner la tête. Et quand il s'est donné un baiser, oui, tous les coups dans l'encens se disaient, c'est la romance de Paris. Au coin des rues, elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Seul le refrain de d'amour, que tout le monde en est épris, c'est la romance de Paris. C'est ici que s'arrête mon histoire. Aurez-vous de la peine à me croire si je vous dis qu'ils s'aimaient chaque jour, qu'ils vieillirent avec leur tendre amour, qu'ils fondèrent une famille admirable et qu'ils eurent des enfants adorables. Qu'ils moururent gentiment inconnus, oui, et partirent comme ils étaient venus. C'est la romance de Paris. Au coin des rues, elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour. Eh bien, je vous laisse quelques instants en compagnie de Gérard Delors. Perdu dans Paris, au cœur de l'oubli, au cœur de la ville, d'une âme tranquille, un vieux musicien faisait résonner les murs, les pavés de la capitale. La chose est banale, avec ce refrain. Besoin d'amour, besoin d'argent. Ainsi toujours l'homme court après son grand besoin d'argent, après son grand besoin d'amour. Je viens chantant toujours dans les tavernes des pauvres. Je viens toujours chantant. Mieux vaut l'amour que l'argent. Je ne sais pourquoi cette chanson-là me rend gaie ou triste. Quand l'instrumentiste en chœur la reprend, en chœur la reprend. Elle me fait songer, cœur un peu serré, à ma vie d'artiste, à ce grand amour perdu au coin d'une rue. Besoin d'amour, besoin d'argent. Ainsi toujours l'homme court après son grand besoin d'argent, après son grand besoin d'amour. Je viens chantant toujours dans les tavernes, les bourgs. Je viens toujours chantant. Mieux vaut l'amour que l'argent. Quand j'ai sur ton cœur posé quelques fleurs comme un oriflamme, toi qui es ma femme, le cœur de mon cœur, le cœur de mon cœur. Tu ne m'as rien dit mais tu m'as souri. Tu savais d'avance que l'on a la chance avec le bonheur. Besoin d'amour, besoin d'argent. Ainsi toujours l'homme court après son grand besoin d'argent, après son grand besoin d'amour. Je viens chantant toujours par les tavernes, les bourgs. Je viens toujours chantant. Mieux vaut l'amour que l'argent. Besoin besoin d'amour, besoin d'argent. Ainsi toujours l'homme court après son grand besoin d'argent, après son grand besoin d'amour. À nos amours, au bon vieux temps, et à l'éternel printemps, que nous importe l'argent, vivons d'amour, en amour. Te sens perdu comme un enfant venu dans un monde en chamade. Si tu te sens blessé et le cœur chaviré par trop de souvenirs. Si tu te sens trop seul à supporter le deuil d'amis, de camarades, referme ton piano, tire bien nos rideaux et viens m'aimer. Après l'amour, bien sûr, on a le cœur si pur pour rêver aux étoiles. Que l'immense univers du printemps à l'hiver semble un champ de jasmin. S'y perdent nos voiliers par le temps déchiré, fragiles sont leurs toiles. S'y retrouvent nos cœurs, nos corps, notre bonheur. Prends-moi la main. Ton absence, tes silences sont cruels, tu sais, pour moi qui vis près de toi. Solitaire, je t'espère, c'est cruel, tu sais, pour moi lorsque tu t'en vas. Sur les mots d'amour, quand sonnent les tambours, n'ont rien d'une victoire. Il en faut plus encore pour planter le décor d'un éternel désir. Mais quand tu me parcours, que tes mains font le tour de moi comme guitare, je vibre sous tes doigts, je ne suis rien qu'à toi. Je veux t'aimer. Demain tu partiras, tu quitteras mes bras pour sillonner la terre. Sur les ailes du vent, sur les chevaux du temps, ainsi vont nos destins. Poèmes et chansons emplissent la maison d'amour et de lumière, de diamants, de rubis, étoiles d'infini. Prends-moi la main. Si tu m'aimes, si tu m'aimes, je serai la même pour toi quand tu reviendras. Solitaire, je t'espère, reviens, je suis perdu cent fois quand tu n'es plus là. Garderas la lune, pense à moi, qui ne suis plus qu'une infortune dans tes bras. Moi qui faisais le tour du monde, je l'avoue, pour une heure ou quelques secondes à ton cou. Instant sacré de joie profonde, d'amour fou. Pardonne-moi, toi seul que j'aime, bel amant, d'avoir brisé nos joies, nos peines, mon serment. J'étais jalouse d'une femme dans ta vie qui partageait ton cœur, ton âme à Paris, et qui brisait mon cœur, mon âme et ma vie. J'ai beau chercher de par la terre d'autres bras, mon âme reste solitaire chaque fois. Je me croyais libre de vivre sans remords, mais ma raison s'égare et vibre, t'aime encore. Le seul souvenir qui m'enivre, c'est ton corps. Quand tu regarderas la lune, pense à moi, qui ne suis plus qu'une infortune dans tes bras. Je n'en peux plus de ce silence dans ma vie. Je souffre trop de ton absence, belle amie. Laisse-moi encore une chance, je t'en prie. Pardonne-moi, toi seul que j'aime, tous mes torts. Malgré le temps, mon cœur qui saigne, t'aime Saint-Michel. je t'emmènerai à la chapelle et nous serons deux, le cœur est fidèle, nouveaux amoureux du Mont-Saint-Michel. Nouveaux amoureux du Mont-Saint-Michel. Nouveaux amoureux du Mont-Saint-Michel. La campagne fleurira la ville, on fera de la ville un jardin. Il y aura des cerisiers en fleurs, des tours de Notre-Dame, à Montmartre la Belle. Les moulins bruissants comme un bruit d'aile tourneront. Ce sera vraiment le temps des roses demain. Mes enfants, quand vous lirez ces lignes, quand vous entendrez cette chanson que j'écris pour vous laisser un signe, le monde aura changé, on n'aura plus de nom. Il faut faire ce monde à votre image, dans la joie, l'amour et l'amitié. Ce combat, si vieux qu'il n'a plus d'âge, est la philosophie de toute éternité. La liberté, la liberté, c'est le temps de la moisson du monde. Qui s'en vient sur l'aile des chansons. Les poètes auront enfin raison. L'amour aura vengé des siècles de misère. Il est là, ce bonheur sur la terre. Même si nous devons croire encore que les hommes dans les meubles sans lumière, car l'amour c'est autre chose aussi. C'est plus pur, plus troublant, plus joli. Amour, c'est un petit oiseau qui fait chanter toute une forêt. Amour, c'est un petit cours d'eau qui réjouit toute la vallée. Ces deux chemins montant vers l'horizon, ces deux visages qui éclairent un seul rayon. La chambre accueillante où l'on a la douceur d'un ami. Amour, c'est le marin qui chante en découvrant la terre bénie. C'est tout cela et c'est même un silence. Amour, un silence de toi. Amour, lorsque tu apparais, le soleil est bien plus lumineux. Amour, tout change et tout renaît, car le ciel devient plus radieux. Tous ces clairons donnent le signal dans l'air. Voyez ces mains jointes sur la mer. Amour, c'est le moment d'aimer, car tous les jardins sont en prière. Amour, des baisers, des baisers, des baisers, des baisers pour la terre, ombre de joie sur le monde en misère. Amour, merci à la terre, amour et merci au ciel. Amour, l'amour est dans. Moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son ananamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. D'autres lui font les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Soir on cause d'un tas de choses avant de se mettre au lit. J'apprends la géographie, de la Chine et de la Mandchourie. Les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Et quand on est amoureux, tout vous paraît merveilleux. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son ananamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. D'autres lui font les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son ananamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. D'autres lui font les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. M'aimez bien, ne vous inquiétez plus de ma santé, c'est superflu, je n'ai besoin de rien. Non, mais pour ne plus rien vous cacher, c'est bête, je sais que vous vous en amuserez peut-être.

là-bas, là-bas, près de l'eau qui dort, j'ai laissé mon cœur qui pleure encore tout bas, là-bas, là-bas, tout près de l'étang. Clair de lune blanche. Dans un halo léger, les étoiles échangeaient en tremblant des regards troublants. Tout le bonheur du monde vibrait en nous, et dans chaque seconde battait un rythme fou. Là-bas, les roseaux, seul au bord de l'eau, mon cœur te pleure tout bas. Dans un halo léger, les étoiles échangeaient en tremblant des regards troublants. Tout le bonheur du monde vibrait en nous, et dans chaque seconde battait un rythme fou. Là-bas, là-bas, où chantent les roseaux, au bord de l'eau, mon cœur te pleure tout bas. Bal très banal qu'on s'est rencontré. Je valsais très mal, ça t'était bien égal, tu m'as invité. Nous avons dansé sans oser nous parler, et soudain grisé, nous avons échangé notre premier baiser, sans cesser de tourner. Dans tes bras, mon amour, j'ai trouvé le bonheur pour toujours. Il a suffi, tu vois, de valser une fois pour qu'on s'aime. Aussitôt que tes yeux m'ont souri, j'ai compris que mon cœur était pris, et mon premier faux pas, je l'ai fait, souviens-toi. En valsant dans tes bras ce soir-là, dans ce petit bal qui n'est plus si banal, je suis retournée. Quelques jours plus tard, tout à fait par hasard, je t'ai rencontré. L'orchestre a joué notre valse préférée, nous avons dansé. Puis tu m'as regardé, tu m'as embrassé, sans cesser de tourner. En valsant dans tes bras, mon amour, j'ai frissonné comme au premier jour. Pas besoin de serment ni de grand boniment quand on s'aime. Aussitôt que tes yeux m'ont souri, de nouveau mon cœur était repris, et mon second faux pas, le dernier, celui-là, j'allais fait en valsant dans tes bras. En valsant dans tes bras, et c'est Simone Alma. j'ai fait ton balançant dans tes bras. Oh, oh, en balançant dans tes bras, mon amour. Le vent souffle à ma porte, j'ai mon amour qui me tient chaud. Toute la semaine, les murs sont ruisselants d'eau, mais je m'en aperçois à peine, j'ai mon amour qui me tient chaud. Reconnu, bien sûr, c'est Luis Mariano. Je n'ai qu'une petite chambre tout en haut, là-bas, sous les toits. Mais de janvier jusqu'à décembre, il y a du bonheur chez moi. Venez me voir, je vous invite, n'ayez pas peur du mauvais temps. Vous serez comme moi bien vite, qui ne connaît moi, que m'importe si la pluie frappe au carreau et si le vent souffle à ma porte, j'ai mon amour qui me tient chaud. Toute la semaine, les murs sont ruisselants d'eau, mais je m'en aperçois à peine, j'ai mon amour. Quand on aime, on a du soleil plein le cœur et nous sent au fond de toi-même une douce chaleur. Même si neige, si je n'ai rien d'amour pour nous, j'ai mon amour. Moi, c'est pas l'amour qui me tient chaud, mais c'est la chaleur, tout simplement. Quand on aime, on a toujours 20 ans, et c'est Père Chico qui nous chante ça dans quelques petits instants. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. L'atelier en jeune trottin, sauté dans le pain. Au bras d'un monsieur, les agrisements marchaient gaiement. Les bons maudits s'écriant tout, si le vieux faux. Mais la cabine, si des canines, t'en fais pas mon coco. Quand on aime, on t'a toujours vraiment. Oui, l'amour, c'est l'éternel vraiment. Avec l'ivresse, le coup du plaisir. Quand on aime, on a toujours vraiment. Oui, l'amour, c'est l'éternel vraiment. Il fleurit à tout homme, on s'y fait du temps. Quand on aime, on a toujours vraiment. laisse péter leur blanc d'argent, c'est de ses cons. Madame, mon grand sonnez-vous qu'il a dans le cou. Je viens de l'embrasser, fais les grands yeux. Voyons, monsieur, c'est plus dommage, soyez nos sages, lui répond malicieux. On a toujours printemps, oui l'amour, c'est l'éternel printemps. Au savon, pour être brune, on le désire, la retard est prête, le coup du plaisir. Quand on aime, on a toujours printemps, oui l'amour, c'est l'éternel printemps. Le riz cassera au déchir. Oh, quand on aime, on s'a toujours un temps. Amoureux inquiets, craignez l'ardeur de votre corps. Parce que le temps vit, allez un peu sur vos cheveux. Ne l'oubliez pas, quand on aime bien, là je n'ai rien. Sur la tendresse, de la caresse, la fenêtre revient. Oh, on aime, on a toujours un temps. Oui, l'amour, c'est l'éternel printemps. Votre amour est prête, brûlant de désir. Il revient avec l'ivresse, le coup du plaisir. Votre on aime, on a toujours un temps. Et on continue, bien sûr, le doux caboulot maintenant, ce sera Denise Benoît. Toi, j'ai perdu le nom, je sais plus, Jean-Denis. Je n'ai que toi pour me rester fidèle. Que toi pour apaiser parfois mes pleurs. Tu sais si bien murmurer les mots que j'aime. Le plus banal pour moi, c'est tout un poème. Quand j'aperçois sur ta lèvre un sourire, je sens en moi comme un nouveau bonheur. Je n'ai que toi, je peux bien te le dire. Je n'ai que toi pour faire battre mon cœur.

souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da-da-da-da-da. Continue en chanson et en musique. Et cette fois-ci, ce sera Maguet Pierre et Milon Jupon. J'ai quitté mon vieux rancho, je suis à San Francisco. Je fréquente en élégante pomponnée de la tête aux talons les bars chics et les grands salons. J'allais pieds nus dans la rosée, me voilà métamorphosée. En toilette, avec toilette, mon ombrelle et mon petit manchon, ma guêpière et mes longs jupons. Gantée jusqu'au bras et chaussée de souliers fins, je m'avance en mesurant mes pas, suivi de mon parfum. Je porte aussi de longs bas noirs, des dessous qui laissent voir mille choses blanches et roses dans un froufrou de satin de linon, sous ma guêpière et mes longs jupons. Là-bas dans mon Texas, j'allais vêtu comme un vrai garçon. À la ville au moins, la femme est femme avec sa mode et ses façons. J'ai quitté mon vieux rancho, je suis à San Francisco. Je fréquente en élégante pomponnée de la tête aux talons les bars chics et les grands salons. J'allais pieds nus dans la rosée, me voilà métamorphosée. En toilette avec voilette, mon ombrelle et mon petit manchon, ma guêpière et mes longs jupons. Gantée jusqu'au bras et chaussée de souliers fins, je m'avance en mesurant mes pas, suivi de mon parfum. Je porte aussi de longs bas noirs, des dessous qui laissent voir mille choses blanches et roses dans un froufrou de satin de linon, sous ma guêpière et mes longs jupons. Je porte aussi de longs bas noirs, des dessous qui laissent voir mille choses blanches et roses dans un froufrou de satin de linon, sous ma guêpière et mes longs jupons. Quelle joie pour un amant d'écarter lentement ses embûches, ses pamplemousses, ne lasser ruban, pompon et la guêpière et les longs jupons. Les longs jupons. Je vous rappelle à toutes et à tous qu'à partir de 18h, vous avez rendez-vous avec Balcon d'Espagne, une émission en langue espagnole de Jackie et Luis. Et tout avant, vous aurez une heure de RDP international en direct du Portugal. On écoute maintenant Albert Cora, L'amour est un rêve à deux. Thank you.

numérique. Voilà, cherchez le nom. Sur la route qui va, c'est Marie-Josée. Bravant la vie et ton fardeau, sans lui courber le dos. Oh, sous le vent froid, sous le vent chaud, qui glace ou cuit ma peau. Oh, je poursuis l'éternelle ronde des gitans qui parcourent le monde. Oh, oh, oh, sur la route qui va, qui va, qui va et qui ne finit pas. Dans un bruit de chevaux, un frisson de ripaux, je suis celle qui passe. Tant pis si mon cœur bat, tout bas, tout bas, au rythme de mes pas. Mon désir vagabond fuyant vers l'horizon ne s'emprisonne pas. J'ai connu de beaux jours sans lendemain, j'ai laissé mon amour sur le chemin. Je suis ma route et chante, chante, chante.

rêve merveilleux. À Mona, nous étions partis tous les deux. Nous allions lentement, loin de tous les regards jaloux. Et jamais deux amants n'avaient connu le soir plus doux. Ramona, je pouvais alors me guiser de tes yeux, de ton parfum, de tes baisers. Ce rêve d'amour. Eh bien, on va s'offrir, si j'ose dire, un petit récital maintenant avec M. Jean Lumière. Et avant, ce sera Jean-Claude Borelli. Et nous interprète, bien sûr, la trompette. La trompette d'Aïda. Dans l'ombre épaisse abritera changeront notre avenir. Mais je vais toujours revenir où se cachent mes souvenirs. Une maison aux tuiles roses et des pigeons aux alentours. On continuera le festival tout à l'heure. On va attendre, ils vont écouter en attendant Colette Betty, le bistrot du port. 1935. Dans le bistrot du port, on y parle d'amour, de pêche et de partance, des soirées de retour. Et l'on y fait bonbons. Trois cinq matelots, encore une longue vie. Profite de ton vent et tire ta bordée. Mais la servante est rousse, son jupon sort à trousse, et son mollet est rond, et ses yeux sont fricants, aimant la bagatelle. Chipper un baiser sur sa nuque brisée au désir de l'humour. Car la servante est rousse dans le bistrot du port. Dans le bistrot du port, parmi tous les copains, il parle du voyage qu'il va faire demain. Et c'est un beau miroir. Matelot, encore une lambée, profite de ton temps et tire ta bordée. Mais la servante est rousse, son jupon se retrousse, et son mollet est rond, et ses yeux sont fripons. Elle sait dire je t'aime, et demain d'abord toute voile dehors, il restera quand même. Ah, qu'elle sut dire je t'aime dans le bistrot du je t'aime, et demain au jour blême, tous irons à bâbord, toute voile dehors, il restera qu'on m'aime. On va retrouver dans quelques instants Jean Lumière, en attendant c'est Jean-Claude Borelli. Tristesse. Thank you.

tu repars demain pour le lointain village dont j'ai conservé toujours la trop vivante image. Ma pensée ira là-bas jusqu'à l'ancien rivage où j'ai cru trouver autrefois tout le bonheur. Quand tu reverras toute blanche la route qui mène là-bas, si songeant à moi tu te penches, cherche la trace de mes pas. Si tu revois la maison, écoute, il y a peut-être des lambeaux de ma chanson encore devant sa fenêtre. Si tu vois de noms qui s'enlacent gravés sur les arbres en fleurs, près du vieux dessin qui s'efface, cherche la trace de mes pleurs. S'il n'est pas là qui se meurt sanglant parmi les pierres, cherche dans le vieux cimetière, tu trouveras mon cœur. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux. D'y penser souvent, d'y penser encore. Voici quelques fleurs bien modestes en voix, de très humbles fleurs qui viennent d'éclore. Ce ne sont pas là de nobles bouquets signés de la main de savants fleuristes, pliés par des nœuds de rubans coquets, bouquets précieux, chefs-d'œuvre d'artistes. Ce sont d'humbles fleurs, presque fleurs des champs, mais ce sont des fleurs simples et sincères. Des fleurs sans orgueil, au libre penchant, des fleurs de poète à deux sous, pas cher. J'aurais mieux aimé de riches bijoux que ce souvenir vraiment trop champêtre. Bagues, bracelets, féminins joujoux, j'aurais mieux. Ces fleurs, ce modeste envoi, ces très humbles fleurs qui viennent d'éclore, vous diront tout bas de penser à moi, d'y penser souvent. Vous le savez, sont malheureux. la cage d'or et qu'on leur donne vaut pas un coin de ciel bleu. Laissez-les s'envoler vers d'autres paysages, vers les bois et les plages, au gré du vent d'été. Laissez-les s'envoler dans une ritournelle, voyez s'ouvrir leurs ailes, écoutez-les chanter. Plus léger qu'une feuille, le ciel clair les accueille, un instant ébloui. Dansant dans la lumière, comme une humble prière, les voilà qui s'enfuient. Quand reviendra l'été, dans la campagne verte, mettez la cage ouverte, laissez-les s'envoler. La fille brune que l'on aime rêve peut-être de partir. Le plus tendre de nos poèmes ne saurait pas la retenir. Laissez-la s'envoler vers d'autres paysages, vers de nouveaux visages, au gré du vent d'été. Laissez-la s'envoler vers une autre lumière. Ne gardez prisonnière que la joie du passé. On ne peut mettre en cage le cœur tendre et volage, pareil à un oiseau. Au cœur de la plus belle, l'amour a mis des ailes et les chants les plus beaux. Et si vous m'en croyez, comme un désir l'entraîne, un autre la ramène. Laissez-la s'envoler. Elle naquit par un dimanche, du plus joli des mois de mai. Quand le printemps à chaque branche suspend un bouquet parfumé, et l'admirant toute petite, si blanche en son berceau tremblant, sa mère l'appela bien vite, Lila Blanc, mon petit brin de Lila Blanc. Elle poussa douce fleurette dans le fond d'un pauvre faubourg, et dans une triste chambrette, sans soleil et presque sans jour, en la voyant toujours pâlote, avec son sourire dolent, chacun surnommait la petite Lila Blanc. Petit bouquet de lilas blancs. Plus tard, ce fut l'apprentissage au cours duquel un beau garçon, remarqué souvent au passage, lui fit la cour une saison. Un soir enfin, lui dit « Je t'aime », ajoutant plus d'un mot troublant, l'appelant ma mignonne et même Lila Blanc. Mon brin joli de Lila Blanc. Mais hélas de l'infortuné, le roman fut bientôt fini, car elle fut abandonnée par son lâche et volage ami, cacha si bien sa peine affreuse tout au fond de son cœur sanglant, qu'elle en mourut la malheureuse Lila Blanc, à l'heure où meurt le Lila Blanc. printemps fit un prodige pour l'enfant qui mourut d'amour. Sur sa tombe on vit une tige de lilas fleurir en un jour, et son tombeau perdu sous l'herbe est depuis lors une fois l'an, tout embaumé par un superbe lilas blanc monté du cœur de lilas blanc. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil plein les oreilles. C'est le cas de le dire, il y a du soleil derrière moi et sur ma tête, voyez, voyez-vous. J'espère que vous avez passé un bon après-midi en ma compagnie et on se retrouve bien sûr samedi à partir de 16h jusqu'à 18h pour le petit bal du samedi soir et dimanche l'accordéon de nos régions, 12h30 à 15h. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. On va écouter maintenant une petite page de publicité et ensuite eh bien, je vous laisserai en compagnie de RDP International avant la émission espagnole de Luis et Jackie, Balcon d'Espagne. Voici donc une page de publicité que je vais trouver quelque part, voilà. La ville d'Orne fait son festival Rencontre 2018 et nous partons à Cuba du mardi 22 mai au dimanche 27 mai 2018. Mardi 22, à partir de 18h, vernissage aux couleurs cubaines. 20h30, à la salle Rabelais, projection du film Soy Cuba. Mercredi 23, à 10h, atelier culinaire. 20h, présentation et initiation à la rumba. 21h, concert rumba Bierta. Jeudi 24, à 20h30, conte cubain par Mercedes Alfonso, accompagné de ses musiciens. Vendredi 25, 20h30, salle Rabelais, projection de Buena Vista Social Club. Samedi 26, 10h, atelier culinaire. 20h, soirée salsa et initiation, plus concert avec le groupe Tito, Tino et Tombaon Orchestra. Dimanche 27, toute la journée exposition voiture américaine. Place Robert Mauger, repas géant de 10h à 17h, le marché. À 16h, concert de clôture avec Guajiro. Pour plus d'informations, contactez la mairie d'Orne. Bonne rencontre. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décoration, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans. Téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Et où pourrez-vous faire de bonnes affaires? Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Différente. 100% por votre plaisir. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras?